fait sur les pratiques, c'est une question collective. Voilà, il y a les réformes, il y a pas que les réformes, il y a l'évolution globale du secteur, etc. Il y a comment on peut les combattre. Et puis il y a aussi dans les pratiques quotidiennes, comment on fait pour, avant la révolution, comment on fait concrètement pour accompagner tout ça. Et en t'écoutant, je pensais aussi au rôle des titulaires dans les commissions de recrutement, sur le fait, par exemple, parce que moi j'ai déjà entendu ça dans des commissions, sur c'est cohérent, c'est pas cohérent, c'est trop, c'est pas assez, mais comment cette personne, on va la recruter, elle a 3 ALR sur le dos, on va jamais la voir, enfin, genre, c'est des trucs qui s'entendent, quoi. Donc je me dis aussi, c'est important de parler au sein, entre titulaires, du rapport à ce genre de choses, et qu'il y a des choses qui ne sont pas dissibles, il y a des choses qui ne sont plus pensables, enfin qu'il faut aussi que les personnes qui sont en place et qui recrutent soient conscientes des conditions objectives dans lesquelles se fait la compétition à présent pour les emplois, et qu'il y a des phrases qui ne sont pas, enfin qui sont juste pas tolérables, qui sont de l'ordre de, qui posent problème, quoi, vraiment. Et je pense qu'il y a un rôle de ce point de vue là et du côté des labos aussi, enfin ça rejoint aussi ce qui était dit tout à l'heure sur maintenir les collectifs, etc. Puis tu parlais du postdoc, du fait que ton labo avait instauré que les gens qui avaient soutenu leur thèse là pouvaient y rester. Et puis mes voisins ne comprenaient pas bien ce que ça voulait dire, parce que je pense que vous n'êtes pas en SHS. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, un postdoc non contractuel? Ça commence à devenir un peu délirant. Et bon, moi je sais que dans mon labo on fait ça, et dans d'autres labos aussi, et c'est une pratique. Alors après, avec des différences, moi je sais que dans mon labo, les gens qui sont postdoc, donc c'est pas postdoc, c'est postdoc avec des guillemets, de toute façon postdoc ne veut plus dire grand chose, mais c'est pour pouvoir signer, c'est éventuellement payer des missions, enfin bon. Et accès au financement, parce que là c'est quand même. Ouais, mais ça dépend des là, labos. C'est grave. Ça dépend vraiment des labos. Ça dépend des labos, parce que c'est grave, il n'y a pas du tout de financement. Oui, tu peux juste signer, c'est déjà une chance de pouvoir mettre en bas d'un article, quoi. Non, ouais, il y a des labos. Ça joue un rattachement, c'est-à-dire quand on demande à quel rattachement, à quelle équipe vous êtes rattaché sur n'importe quelle demande, et même de postdoc, on a quelque chose à mettre dans la case. C'est le minimum, parce que tu n'as pas droit, par exemple, si tu vas à un colloque ou quelque chose, le labo ne te finance pas ton train ou ton... Non, là, c'est pas possible, parce que... Si, il y a des labos, ça se fait. Je ne dis pas que ce n'est pas possible dans n'importe quel labo, je dis juste là, dans ce cadre-là. Ouais, c'est un laboratoire où il y a plus de 100 doctorants, et donc des postdocs, il y en a aussi énormément. Et donc... Et combien de titulaires, juste pour avoir un ordre d'idée? Je crois que c'est à peu près chercheurs, enseignants-chercheurs, ça fait 70-80. Et du coup, ouais, moi, la question que je me posais, parce que c'est une question qui se pose, c'est une question qu'on s'est posée chez là où je suis, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens justement qui sont docteurs depuis plusieurs années, dont on a vraiment du mal à les appeler des post-docs, parce qu'il y a un moment où en plus c'est infantile, enfin ça met quelque part dans la hiérarchie qui ne semble pas très, pas très tenable. Et donc en plus il y a le fait que les institutions ne reconnaissent pas les non-titulaires, donc les non-fonctionnaires, comme étant des membres à part entière, donc dans le listing émergent au laboratoire. Donc nous on a décidé que pour certains qui demandaient le rattachement officiellement au laboratoire, qui donc, dont le dossier était examiné, enfin comme on fait pour n'importe quel titulaire qui demande son rattachement au laboratoire, qu'ils soient intégrés alors même qu'ils ne sont pas titulaires. Du coup, on se retrouve avec des catégories. Alors, qu'est-ce que c'est être un postdoc financé, un postdoc pas financé, quelqu'un qui vient de finir sa thèse, quelqu'un qui l'a fini il y a 8 ans, qui n'est plus un postdoc, qui est juste un chercheur qui n'est pas fonctionnaire. Donc, si on commence à créer des clivages entre ces gens-là, ça pose problème. Mais en même temps, si on ne se pose pas la question des différences entre ces différents moments de la carrière, on renforce le clivage entre les statutaires, statutaires dans le sens du statut d'emploi fonctionnel. Les titulaires et les non-titulaires. Et en fait, c'est des questions, enfin, on le sait, c'est comme les questions de représentation, c'est comme ça pose des questions quotidiennes, hyper compliquées, quoi, si on essaie pas... Et c'est pas juste pour arrondir les angles et pour dire le monde est dur et on essaie de le faire moins dur, mais c'est juste pour pouvoir coexister dans une certaine cohérence, parce qu'on finit par... nous, on travaille sur les catégories en permanence, en sciences sociales, on finit par inventer des catégories de catégories à plus... Enfin, ça devient hyper caricatural, et c'est... Et même quand on essaie de mettre les choses à plat, donc je sais pas, je parle beaucoup là, mais c'était pour recueillir aussi des témoignages sur les pratiques, enfin, comment on fait concrètement pour vivre avec avant le grand soir. Nous, on est post-doc, je junior, puis après on est post-doc senior. Ouais, ça, juste une chose, au CNRS, donc moi j'ai eu le problème, on est post-doc qu'un an. Le contrat de post-doc, c'est un an. Donc après, ils sont CDD chercheurs. Oui, oui, c'est des chercheurs en CDD. Chercheurs. Mais pas CDD d'ailleurs, ils sont chômeurs aussi hein, parfois. Ah ben, ouais. Parce que voilà, les non-titulaires, quand on les prend dans le labo, si on considère que voilà, c'est des chercheurs à part entière mais intermittents, enfin sans régime d'analysation d'intermittence, bah, du coup, une fois qu'ils n'ont plus leur CDD, on ne les vire pas du listing. Enfin, peut-être que ça se fait, mais je veux dire, c'est vachement compliqué quand même. Et du coup, on a aussi des gens, on ne peut pas dire qu'ils sont contractuels, ils n'ont pas de contrat. Et c'est. Ouais.